Ce député élu dans la province de Gitega demande à la justice de ne pas tomber dans les pièges des politiciens et de travailler en toute indépendance et impartialité. Le député Terence Manirambona disant lui aussi être poursuivi de tenir des réunions non autorisées, demande la cessation de cette chasse aux personnes qui ne sont pas membres du parti au pouvoir. Moi, je demande d'abord à la justice d'être impartiale. S'il y a des enquêtes à faire et que vraiment la justice ne tombe pas dans les griffes de l'exécutif ou d'autres pouvoirs à côté, et qu'il y ait une enquête qui est neutre. Par exemple, ce qui s'est passé à Nyarusange, il y a des gens, des personnes qui habitent tout autour là où un crime, un meurtre a été commis. Mais ces gens-là n'ont pas été arrêtés. Et on a arrêté des gens qui habitent à plus de 500 mètres ou même un kilomètre, les accusant d'être des instigateurs de ce meurtre. Aussi, dans leur interrogatoire, on leur demande qu'ils tiennent toujours des réunions clandestines. On leur dit aussi que ces gens-là doivent se soumettre obligatoirement au parti au pouvoir. Tout cela, alors, c'est une inquiétude qu'il faut alors lever, surtout pour l'administration. Alors, pour la justice, vraiment, ce que je demande seulement, c'est d'être neutre et impartial dans la conduite de leurs enquêtes. C'était le député Manirambona Terence, élu dans la circonscription de Gitega pour le compte de la coalition Amizero Yabarundi. Échec de la destitution hier, dimanche, de l'administrateur de la commune Kirimba en province Ngozi suite au quorum qui n'a pas été atteint. Parmi les accusations, le niveau de faible développement de cette commune, chose rejetée par son camp, dont les conseillers de la coalition Amizero Yabarundi. Apollinaire Mouzagara. Après un climat massin qui perdurait au sein des membres du conseil communal de Kirimba, la journée de ce dimanche a été caractérisée par des tractations, des consultations entre les deux blocs, les pros et les anti-actuels administrateurs communal. Vers la fin de la journée d'hier, sept conseillers communaux sur les sept que compte cette commune ont répondu très parmi eux, cinq élus au sein de BFDD et deux de la coalition Misero Yabarundi. Selon des informations recueillies sur place, le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Burundi, Agathon Gwasa, membre aussi de son conseil communal, avait envoyé une procuration. Les élections n'ont pas finalement eu lieu. Les deux tiers exigés comme quorum, soit 11 sur les 7 conseillers communaux, n'ont pas été atteints. Parmi les accusations, le recul du développement de la commune dès son arrivée à la tête de cette entité administrative, ainsi que le détournement des fonds communaux et autres. Les administrateurs Terence Samilizi, du CMDD, FDD, FC Fidèle, parmi lesquels ceux de la coalition Misero Yabarundi, rejettent des accusations. Ils demandent par conséquent une commission neutre pour mener des enquêtes afin d'établir les responsabilités. Donc aussi, Apollinaire Mouzagara, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, le ministre burundais des Finances tranquillise que le secteur minier doit être un générateur de richesses pour le pays puisqu'il ne l'est aujourd'hui. Lors d'une séance de questions orales à l'Assemblée nationale vendredi de la semaine dernière, Domitien Diokougayo répondait aux inquiétudes des députés selon lesquelles ce secteur est émaillé de fraude et n'est bénéfique qu'à des individus alors qu'il devrait l'être pour le pays. Reportage de Léonce Vitalio. Le secteur minier peut contribuer dans la richesse du pays, mais ce n'est pas le cas, selon le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Agathon Rwasa. C'est un secteur qui devrait beaucoup contribuer pour la richesse de l'État. Mais malheureusement, il est émaillé de beaucoup de fraudes. Le gouvernement devrait en tout cas penser à sa gestion et faire en sorte que même un seul gramme de minerai puisse contribuer pour la richesse nationale. Le numéro 2 de la Chambre basse du Parlement burundais donne l'exemple d'une commune qui ne cite pas nommément où des individus opérant dans le secteur minier se font des richesses sans qu'il en soit ainsi pour les caisses de la commune. Les minerais procurent de l'argent, on n'en doute pas. Imaginez dans une commune où des individus opérant dans le secteur s'achètent plus de 20 ou 30 véhicules en l'espace de 3 ans. Mais comment se fait-il que des individus s'enrichissent alors que les caisses de la commune sont presque vides? Le ministre Domitien Diokougayo, en charge des finances publiques, ne nie pas qu'il y ait des mines qui passent dans la clandestinité, mais tranquillise qu'avec l'avènement de l'Office burundais des mines et carrières,